Il y a dans ses yeux tout l'autrefois du monde. Il y a dans ses mains les vieux chemins de terre, les vieux chemins de l'onde, les vieux chemins du vent. Elle, c'est la grand-mère, assise auprès de sa porte, assise auprès de sa vie, assise auprès de sa mort. Il y a dans ses yeux toute la pluie du monde. Il y a dans ses mains tout le poids de la terre et tout le poids de l'onde et tout le poids du vent. Elle, c'est la grand-mère, assise au coin de sa porte, assise au coin de sa vie, assise au coin de sa mort. Il y a dans ses yeux la tendresse du monde. Il y a dans ses mains tout le cœur de la terre et tout le cœur de l'onde et tout le cœur du vent. Elle, c'est la grand-mère, assise au pas de sa porte, assise au pas de sa vie, assise au pas de sa mort. Il y a dans ses yeux tout l'au-delà du monde. Il y a dans ses mains l'infini de la terre et l'infini de l'onde et l'infini du vent. Elle, c'est la grand-mère, assise au seuil de sa porte, assise au bout de sa vie, assise au bord de sa vie.